Aye. Tu pourrais tomber d'une falaise ou même te noyer. Non. Aye. Tu pourrais tomber d'une falaise ou même te noyer. Aye. Ok. Tu pourrais tomber d'une falaise ou même te noyer. Et personne t'aidera. La vie ne ressemble pas vraiment à ce que l'on croyait. Mais maman, t'inquiète pas. Je pourrais tomber d'une falaise ou même me noyer. Et personne m'aidera. La vie ne ressemble pas vraiment à ce que l'on croyait. Non. J'habite dans une rue sans nom, une rue sans nom. Et je ne veux aucun d'entre vous chez moi. J'habite dans une rue sans nom, une rue sans nom. La la la la la la la la la. Tous les jours c'est la même, du chagrin et de la peine. Mes problèmes me rappellent, mon sourire n'est pas vrai. La nuit je ferme les yeux, je m'évade dans ma tête. Je me demande ce que les aveugles peuvent voir pendant leurs rêves. Quand la lumière s'éteint, je sais plus qui sont les miens. Qui donnait de l'amour, à qui donner du sien. J'aimerais te rejoindre, arracher le papier peint. Pouvoir te faire confiance, ne pas chanter ce refrain. Je pourrais tout faire pour toi. Marcher dans le froid pour toi. Mais pourrais-tu te sacrifier pour moi? Pourrais-tu démaquiller pour moi? Ah, nah. Tu pourrais tomber d'une falaise ou même te noyer. Et personne t'aidera. La vie ne ressemble pas vraiment à ce que l'on croyait. Mais maman, t'inquiète pas. Je pourrais tomber d'une falaise ou même me noyer. Et personne m'aidera. La vie ne ressemble pas vraiment à ce que l'on croyait. Nah. Sans nom, une rue sans nom. Et je ne veux aucun d'entre vous chez moi. J'habite dans une rue sans nom, une rue sans nom. La la la la la la la la la. Je repense à l'époque où on parlait d'amitié. Quand notre rêve le plus fou était de se réaliser. Maman nous répétait que la vraie richesse c'est d'avoir quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Aye. Mais tu ne vois même pas ce que je fais pour toi. Car le soleil brille dans ton œil. Après demain la pluie tombera. Et tu seras seul. Je pourrais tout faire pour toi. Marcher dans le froid pour toi. Mais pourrais-tu te sacrifier pour moi? Pourrais-tu démaquiller pour moi? Ah, nah. Tu pourrais tomber d'une falaise ou même te noyer. Et personne t'aidera. Personne t'aidera. La vie ne ressemble pas vraiment à ce que l'on croyait. Mais maman, t'inquiète pas. Je pourrais tomber d'une falaise ou même me noyer. Et personne m'aidera. La vie ne ressemble pas vraiment à ce que l'on croyait. Non. J'habite dans une rue sans nom, une rue sans nom. Et je ne veux aucun d'entre vous chez moi. J'habite dans une rue sans nom, une rue sans nom. La la la la la la la la la. J'habite dans une rue sans nom, une rue sans nom. J'habite dans une rue sans nom, une rue sans nom. Et j'habite dans une rue sans nom, une rue sans nom. J'habite dans une rue sans nom, une rue sans nom. Aïe.